Eh bien bonjour à tous, c'est Jérôme aux commandes de ce nouveau numéro de la boîte ABO. Chaque semaine, vous en avez pris l'habitude, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme de cette semaine? Alors au programme, aujourd'hui, vous retrouverez nos rubriques habituelles avec des films tels que Les Feux de la Rampe, Un Crime au Paradis, Bienvenue chez les Ch'tis et bien d'autres. Eh bien parfait Francine, retrouvons-nous donc dans quelques instants pour une belle programmation. Alors commençons tout de suite par notre traditionnelle première séquence B-Occulte avec Les Feux de la Rampe, un film de Charlie Chaplin sorti en 1952. Alors le film raconte l'histoire d'un clown de musical à la retraite devenu alcoolique qui sauve une jeune danseuse de ballet du suicide. Ce film est le dernier film tourné par Charlie Chaplin aux États-Unis. Alors accusé d'être communiste en plein marcartisme, il décide donc d'organiser la première des Feux de la Rampe à Londres le 16 octobre 1952. Alors, profitant de son absence, Edgar Hoover, qui était donc à l'époque président des États-Unis, lui fait supprimer son visa. Charlie Chaplin rentre donc alors brièvement en Amérique pour repartir définitivement en septembre et s'installer en Suisse. Bah donc, je suppose que le film n'a pas été primé à sa sortie aux États-Unis. Alors, en effet, à sa sortie, le film n'a reçu aucune récompense, mais 21 ans après, en 1973, il obtient l'Oscar de la meilleure musique. Alors la musique composée par Charlie Chaplin lui-même, il développe en effet dès l'enfance une passion pour la musique et apprend seul à jouer du piano, du violon et du violoncelle. Écoutons donc tout de suite le morceau mythique de ce film, Terry's Theme. Maintenant sur Il y a longtemps que je t'aime, sorti en 2008 et réalisé par Philippe Claudel. Alors c'est l'histoire de deux sœurs, Juliette et Léa, qui se retrouvent après que Juliette ait passé 15 ans en prison. Léa, désormais mariée et avec deux enfants, l'accueille dans sa maison à Nancy. Alors le thème de l'enfermement et de l'incarcération tenait beaucoup à cœur à Philippe Claudel. Il était en effet familier avec l'univers carcéral puisqu'il avait été professeur en prison pendant 11 ans. Le film a été récompensé par deux Césars, celui de la meilleure actrice pour Elsa Silberstein et le César de la

du film Il y a longtemps que je t'aime, la musique donc composée et interprétée par Jean-Louis Aubert. Alors on passe maintenant à la séquence BO comédie avec Un crime au paradis, un film de Jean Becker sorti en 2001. Alors dans ce film on retrouve Jacques Villeret qui ne peut plus supporter sa femme Josiane Balasco, alcoolique et invivable. Et alors il décide de la tuer en s'appuyant sur l'expérience d'un brillant avocat, André Dussolier, réputé pour avoir des acquittements lors des procès. Mais Jérôme, en fait, Un crime au paradis, c'est pas le remake de La Poison ? Oui, tout à fait, Francine. La Poison, qui est un film de Sacha Guitry, sorti en 1951 avec Michel Simon et Jacques Villeret, adorait ce film. Il a donc été très heureux d'être sollicité pour incarner le personnage principal du film. Alors, c'est Pierre Bachelet qui a composé la bande originale. Il s'agit de sa seconde collaboration avec Jean Becker, puisque deux ans plus tôt, il avait composé la musique des Enfants du Marais. Alors, écoutons tout de suite le thème principal de ce film. Alors, après donc la musique de Un crime au paradis, nous passons maintenant à la BO mythique avec Bienvenue chez les Ch'tis, un film de Danny Boone sorti en 2008. Alors, on se rappelle tous de ce film hilarant où Cadnerat, facteur, est contraint d'accepter une mutation dans le Nord à Berg. Alors, le film a tout de suite connu un succès extraordinaire et il devient le film qui détient le nombre d'entrées en France le plus important avec 20,4 millions de spectateurs. Une enquête à la sortie des salles a montré que 97% des personnes interrogées ont dit avoir aimé le film, ce qui est un chiffre exceptionnel. Et en plus, il me semble que la région a bien profité donc de l'essor de ce film. Mais oui, puisque dès la sortie du film, la ville de Berg a connu un véritable essor touristique, à tel point qu'un circuit proposant de suivre les pas des héros du film, le Ch'ti Tour, a été mis en place. Certains commerces ont affiché une hausse de plus de 30% de leur chiffre d'affaires. Donc la musique est signée Philippe Rombi, un compositeur qui a signé la quasi-totalité des films de François Ozon. Donc écoutons tout de suite la BO de Bienvenue chez les Ch'tis. Thank you. Voilà, vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous écoutez la boîte à BO, l'émission donc sur donc les bandes originales de films. Et vous venez donc d'écouter la BO du film Bienvenue chez les Ch'tis. Passons maintenant à la séquence BO Suspense avec Au nom de ma fille, un film de Vincent Garenc sorti en 2016 avec notamment Daniel Auteuil. Alors le film est en fait inspiré de l'affaire Dieter Krombach, une affaire criminelle qui a débuté en 1982. Dieter Krombach, un médecin allemand, est soupçonné d'avoir violé et assassiné Kalinka, sa belle-fille âgée de 14 ans. Le père de Kalinka, donc André Bamberski, qui est donc interprété par Daniel Auteuil, se bat alors pour que ce justice soit faite. Et un combat de 27 ans qui deviendra l'unique obsession de sa vie. Dis-moi Jérôme, le réalisateur de ce film, Vincent Garenc, avait déjà travaillé sur des films inspirés de faits divers. Et oui, Francine, en effet, auparavant, il avait déjà réalisé Présumé coupable, qui était centré sur l'affaire Doutreau, et puis L'enquête, un film qui portait sur l'affaire Clestrim. Alors la musique est écrite par Nicolas Errara, qui a composé plus de 60 musiques de films français et internationaux. Alors donc découvrons ce compositeur et passons maintenant au thème principal d'Au nom de ma fille. Passons maintenant à la BO film d'animation avec un thème qui m'est très cher, donc en lien avec l'actualité, avec Parvana, réalisé par Nora Toumé, sorti en 2017. Et oui, ça traite de l'Afghanistan. Donc en Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul, ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. C'est sans être accompagné d'un homme, car on ne peut plus travailler, ramener de l'argent, ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. Alors donc, je crois que Angelina Jolie a été partie prenante dans ce film, car je sais qu'elle a été très impliquée dans l'humanitaire et il me semble qu'elle était également très impliquée en Afghanistan. Eh bien oui, en effet, parce qu'elle a été la productrice déléguée dans Parvana. Elle a été sollicitée en fait par Nora Toumé, car elle savait que ce sujet la touchait énormément puisqu'elle avait créé une école de filles à Kaboul. Elle s'y rendait souvent et était une ambassadrice ambassadrice très active des Nations Unies. Donc le titre que nous allons écouter s'appelle « The Land of the Noble ». Voilà, c'était donc la BO du film donc d'animation Parvana. Passons maintenant à notre dernière séquence, BO comédie musicale avec Evita, un film d'Alan Parker sorti en 1997 qui raconte donc la vie d'Eva Perón, épouse du président argentin Juan Perón. Alors en 1952, Eva Perón meurt prématurément d'un cancer alors qu'elle allait accéder à la vice-présidence de son pays. L'Argentine pleure cette paysanne dont l'ascension fulgurante et le combat pour la défense des pauvres ont modifié le cours de son histoire. Alors on sait que c'est Madonna qui interprétait le rôle d'Eva Perón, mais est-ce que cela a été tout de suite une évidence pour Alan Parker ? Ben, pas du tout, car de nombreuses actrices ont été évoquées pour le rôle-titre, notamment Jennifer Lopez, Maria Carey, Barbara Streisand, Bette Midler. Mais Madonna, qui convoite donc le rôle depuis des années, a adressé une lettre à Alan Parker dans laquelle elle explique pourquoi elle serait parfaite pour le rôle principal. Elle a également envoyé une copie du clip de sa chanson « Take a Bow » pour le convaincre, et c'est elle qui sera finalement donc choisie. Alors elle a été récompensée par le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical, et en termes de prix, le film a également reçu le Golden Globe du meilleur film et de la meilleure chanson originale pour « You Must Love Me ». Alors la musique est signée par Andrew Lloyd Webber, un compositeur britannique célèbre pour ses comédies musicales comme par exemple Cats ou Phantom of the Opera. Nous allons donc tout de suite terminer cette émission par cette merveilleuse chanson que vous connaissez, donc Don't Cry for Me Argentina, interprétée par Madonna. Thank you.